Tort et peine. Un homme s'avançait, tout seul, émergeant comme une apparition de l'impénétrable muraille brumeuse, inconnu de tous, arrivant de ce côté d'où nulle route n'avait pu l'amener, nulle autre voie que la mer. À quelque distance derrière lui, un groupe d'autres hommes de tailles diverses, à peine distincts, encore à demi noyés dans les fumées blanches, humides et molles du brouillard opaque. Deux pistolets dans la ceinture de laine roulée autour de son corps, un sabre d'abordage pendu au côté gauche, la poitrine large et bombée, les épaules redoutables sous la veste qui les emprisonnait, mince et élégant malgré cette apparence de force qui complétait la saillie des biceps noueux, moulés par les manches, il apparut comme jailli d'un nuage, ainsi qu'un jeune dieu de l'antiquité homérique. Le chapeau de cuir bouilli des marins coiffait coquettement ses longs cheveux retombant en boucles brunes, derrière son cou robuste, jetant une ombre légère sur son front, sur ses sourcils épais, bien dessinés, sous lesquels flambait l'éclair des prunelles d'un bleu glauque, contrastant avec la couleur basanée de la peau. Il montrait une physionomie intrépide, dont l'ardeur perçait sous le calme des traits immobilisés par une volonté énergique. « L'ennemi !» Au premier cri poussé par une voix affolée, il y avait eu dans la foule entassée autour de l'église et débordant à travers le cimetière plusieurs mouvements contraires, d'où résulta la plus indescriptible cohue. Quantité de femmes et d'enfants apeurés, qui commençaient seulement à sortir, reculèrent, refluant violemment vers l'intérieur de la nef pour y chercher un asile contre ce danger nouveau, presque ignoré de leur génération et qui donnait une réalité instantanée à des récits bien souvent entendus, à des histoires contées par les aïeux et devenues presque des légendes. « Seigneur Jésus, ayez pitié de nous !»« Madoué, les Saozon !» L'ennemi, ce ne pouvait être que l'Anglais redouté. L'ennemi héréditaire qui, dans le temps, avait occupé cette ferme de Ruffelic que tous connaissaient, au puits si curieux, au mur crénelé, campé entre Plougasnou, Trégastel-Primel et Saint-Jean-du-Doigt, le pilleur ravageur des côtes, celui dont, à l'heure actuelle, les flottes formidables, profitant des aboukirs, des Trafalgar et autres malheurs qui avaient anéanti la puissance maritime de la France, croisaient insolentes tout le long de la Manche, courait impuni le golfe de Gascogne, bloquait Brest et menaçait Cherbourg, essayant d'entraver les travaux de la digue destinée à protéger ce port de leurs insultes. Sans doute, ayant appris que Moscou était en flammes, que la grande armée battait en retraite, harcelée par les Russes à travers les steppes désolées d'un pays de neige et de glace, d'où elle ne pourrait peut-être plus jamais revenir, que l'empereur Napoléon courait au moins les plus grands dangers et se trouvait immobilisé loin de la France pour longtemps, l'Anglais, toujours à l'affût, tentait un débarquement à la faveur du brouillard sur ce point des côtes qu'il savait moins bien garder et s'avançait pour piller le pays. En quelques instants, l'affolement fut à son comble. Des jeunes gens accouraient, sortant des maisons les plus proches. Des haches, des bâtons, des faux, des fourches s'élevaient, tiraient subitement d'on ne savait où, hérissant des groupes qui tourbillonnaient. Dans le clocher, le tocsin succédait au gai carillon de la sortie de la grand-messe, et la clameur d'épouvante s'enflait, sinistre, là où, quelques instants auparavant, tout était paix, confiance et gaieté. Mais des hommes avaient réagi contre la bousculade provoquée par le recul des femmes et leur fuite vers l'asile sacré du sanctuaire. Les gardes-côtes, tirant leurs sabres, se préparaient à la résistance. Joseph Carn protestait. « Craignez donc rien, nous sommes là, nous autres. On a été marins de la garde. »« On va bien les recevoir, les Anglais, » affirmait Barzik. « Faut-il qu'il en ait un aplomb? Ils ne nous connaît donc pas. Qu'il y vienne, ce ne sera pas le premier. » Morvan montrait une figure de colère faisant des moulinets. L'homme continua de marcher, ne semblant rien voir de ces manifestations menaçantes, indifférent en apparence aux clameurs, bras ballants, sans porter la main à ses armes, du même pas ferme, cadencé, automatique. Sa contenance impassible en imposa. Il avait tourné sur place et se dirigeait vers l'entrée ouest du cimetière, sans ralentir, ni presser sa marche. Par une contradiction étrange, subissant l'autorité magnétique de ce courage, ceux qui s'étaient d'abord portés à sa rencontre de l'élan le plus furieux s'arrêtaient interdits, empêchant ceux qui étaient derrière d'avancer, de se livrer à des voies de fait sur lui, tant il les dominait par son calme, par le sourire un peu mélancolique errant sur ses lèvres, par la hardiesse douce de son œil clair, impérieux, bien ouvert dans le cadre des cils foncés. On détaillait son costume, son visage, l'expression de sa physionomie, et l'hésitation naissait, immobilisant les bras, brisant les colères, faisant croître le doute dans les cœurs. Après tout, à quoi avait-on reconnu en lui un ennemi? C'était un étranger, l'inconnu. Guillaume Guyadère, le premier, rengainant son sabre d'un geste brusque, avait écarté de ses deux bras ceux qui se pressaient, empêchant le passage. Il cria « Place, place, attendez !» La foule se divisa, ouvrant un chemin. La clameur devint rumeur, se transformant. Une stupeur montait de partout. Une remarque de Pierre-Marie Guizenoux traduisit le sentiment général. « Pas possible que ça soit un Saozan. Un beau gars sympathique comme ça, il a une tournure qui me va. On dirait un des nôtres. » Il souriait presque au nouvel arrivant, admirant l'allure mâle, la démarche souple, aisée, sans raideur, le corps qui se révélait solide, malgré la finesse élégante des membres. Derrière lui, maintenant, on voyait mieux ceux qui l'accompagnaient. Trois gaillards taillés en Hercule, l'un à face rasée, les deux autres barbus jusque dans les yeux. La peau brûlée à tous les soleils, boucanée par toutes les intempéries. Pieds nus, tandis que leur chef avait la coquetterie de beaux souliers reluisants, ils avaient le roulis caractéristique des hommes de mer et balançaient les bras d'un mouvement régulier. « Il n'y a que nos matelots pour marcher ainsi !» affirma Morvan. Et il appela. « Hé ! De France que vous êtes, pas vrai ?» Sans répondre, ils sourirent, comme à une plaisanterie, roulant et tanguant derrière celui qui les conduisait. Tout en regardant autour d'eux les hommes, ils clignaient de l'œil vers les coiffes blanches qui commençaient à réapparaître, sortant une à une des profondeurs de l'église. Pénétrant dans l'enceinte du cimetière, le chef se dirigea vers la chaire de pierre, aux ogives à jour, que surmontait la haute et mince croix de granit gris, placée non loin du clocher, et s'y installa, les deux mains appuyées devant lui sur le rebord, comme pour se préparer à prendre la parole. Cette fois, l'émotion fut à son comble. Les phrases jaillirent de partout. « Il monte à la croix !»« Il n'y a qu'un de chez nous pour connaître ainsi nos usages !» C'est un ami pour sûr, un vrai breton. Un revirement se produisait, instantané, par le fait matériel de l'acte si simple que venait d'accomplir l'inconnu. Comment, s'il était étranger, eût-il pu savoir à quoi servait cette petite chaire surélevée d'une marche, cette sorte de calvaire que l'on voit ainsi installée en plein air dans beaucoup de vieux cimetières en Bretagne, et qui, sous la protection de la croix, sert à la fois au secrétaire de la mairie pour lire aux gens du village assemblés à la sortie de la messe les nouvelles lois, les nouveaux décrets, pour publier au nom du notaire les ventes qui auront lieu dans la semaine ou même à tout orateur profane ayant quelque communication importante à faire à ses concitoyens. Cette manière de haranguer s'appelle « monter à la croix ». Les femmes sortirent de l'église avec autant de hâte qu'elles en avaient montré à s'y réfugier. Et, prévenu, le recteur lui-même, qui avait eu le temps de dépouiller ses ornements sacerdotaux et qu'on avait mis au courant de ce qui se passait, parut sur le seuil, très surpris. C'était un vieillard de 60 ans, le recteur Baptiste Clerc, de grande prudence, de sens éclairé et qui connaissait particulièrement tous les habitants de Plougasnou et des environs. Après la période révolutionnaire, durant les plus mauvais moments de laquelle il avait trouvé un asile sûr dans une ferme d'un petit village voisin, il était revenu prendre sa place au milieu de ses ouailles et il en était autant aimé que respecté. Il regarda l'inconnu installé dans la petite chaire, fronça un moment les sourcils en un effort de recherche, comme si l'ensemble du visage eût, au premier choc, réveillait au fond de sa mémoire quelques souvenirs très vagues, puis avoua à mi-voix. « Je ne le connais pas. Ce n'est pas un visage de par ici. » Une seconde, les regards de l'inconnu se promenèrent autour de lui, examinant l'église, le cimetière. Subitement, il parut se décider, s'arracher à un rêve qui l'engourdissait et parla. « Les gars, c'est pour vous que je suis venu. Je suis des vôtres. » Il s'exprimait en pure langue bretonne, sans aucun accent étranger. Et, immédiatement, toutes les sympathies volèrent à lui. Avant d'expliquer ce qu'il avait l'intention de faire, de révéler qui il était, comme s'il eût éprouvé quelque plaisir secret à laisser son apparition dans la séduction impressionnante d'un certain mystère, il déclara « C'est aux gens de Plougasnou que j'ai cru devoir avant tout m'adresser, parce que, par leur passé, ils ont prouvé qu'ils étaient ce qu'il y a de plus pur, de plus brave, de plus complet dans notre vieille terre de Bretagne, et que leurs ancêtres me répondent d'eux. Je n'ai voulu ni m'annoncer à l'avance, ni parler, avant de me trouver ici, au milieu de ce champ de repos, où sont enfouis les ossements de tout ce qu'il y a eu de grand et d'héroïque parmi eux, et devant cette église qui, à elle seule, est l'image même du beau passé de Plougasnou dans l'histoire. » En un langage pittoresque et hardi, il montra que si le clocher de l'église, avec sa tour carrée, appuyée de contreforts puissants, par sa forme massive résistante, flanquée au sud de sa tourelle solide contenant l'escalier, avec ses quatre galeries robustes à balustres pleins, ses quatre clochetons à jour taillés en pierre pleine, et surtout ses symptomatiques gargouilles braquant aux angles des figurations de canons, était bien la vivante image de l'époque où il avait été construit, celle où il fallait que l'église, mystique citadelle de la foi, fût en même temps une forteresse réelle du pays et donnât une idée de sauvegarde, de force matérielle, alors que les habitants de Plougasnou devaient combattre à la fois l'ennemi du dedans, le ligueur, et l'ennemi du dehors, l'anglais, toujours menaçant, ou l'espagnol audacieux. Il ajouta « Aujourd'hui, l'ennemi du dedans a disparu, mais celui du dehors existe toujours plus vivace que jamais. L'Espagnol, nous le combattons chez lui, en Espagne, où nos soldats font des prodiges de valeur en ce moment. L'anglais vient nous chercher chez nous. Suce à l'anglais !» Un rugissement gronda, emplissant le cimetière, tandis que les poings brandissaient les haches, les faux conservés par ceux qui s'en étaient armés. « Mort aux Sauzon !» L'orateur sourit de cette ardeur qui sembla l'emplir d'une joie secrète, puis indiqua le porche sud, continuant, comme récitant une leçon bien sue, et s'étonnant un peu de se l'être si parfaitement assimilé. « Si la tour de votre église vous encourage à la lutte héroïque, vos seigneurs d'autrefois sont votre exemple. Regardez celui dont l'image énergique semble s'élancer à mi-corps du fronton triangulaire, qui couronne cette porte, sous laquelle vous devez passer pour pénétrer dans le sanctuaire placé sous l'invocation de Saint-Pierre, votre patron. Toque au front, collerette tuyautée au cou. Il est la physionomie vivante de l'un des Guicaznou de cette époque d'autrefois. Contemporain du roi Charles IX, du roi Henri III ou du roi Henri IV, il semble qu'il vive toujours et que sa génération se retrouve encore parmi vous. C'est l'ancêtre et c'est l'exemple. » À mesure qu'il parlait, une émotion étrange empourprait les joues du pêcheur Pierre-Marie Guisnou. Il ne put se tenir de s'écrier. « Il a raison, le gars! Les Guicaznou ne sont pas éteints parmi les gens de Plougasnou !» Et un murmure courut, semblable au grondement des vagues, venant se heurter aux pierres tombales, aux croix du cimetière propageant. « Guicaznou! Guicaznou! Guicaznou !» Écho de cette croyance qui voulait précisément que les Guisnou, ces modestes pêcheurs, fussent des descendants obscurs au nom peu à peu transformé, défiguré, de ces altiers seigneurs de Guicaznou, créateurs et possesseurs de Plougasnou. Autour de Pierre-Marie, ses fils se pressaient, intrigués. Alain, Hervé, Yves, écoutant des paroles qui venaient malgré leur apathie à ce sujet, caressaient tout au fond d'eux un séculaire orgueil, dormant depuis longtemps sous les cendres du passé. Mais plus vivement qu'eux, plus violemment que le père, celle qui sentait la flamme brûlante de cette hérédité mystérieuse embraser son cœur et illuminer son cerveau, c'était cette petite Anne Guisnou, demeurée sous le porche avec sa mère et sa sœur Rose, et dont les regards allaient, extasiés, reconnaissants, du jeune orateur au buste de pierre, à la barbiche et à la moustache caractéristique du temps où il vivait, physionomie si vivante dans le pourpoint à crever formant cuirasse, œuvre de quelque ignoré cloué de la statuaire bretonne. Elle répéta après le jeune homme. L'ancêtre, l'exemple. Tout son être se sentait attiré par celui qui parlait et qui paraissait si merveilleusement connaître le pays où on le voyait pour la première fois. Mais il poursuivait, parlant des autres seigneurs, des Kermaban, des Kerikuf, de tous ceux qui dormaient dans les enfeux sculptés de l'église ou sous les pierres du cimetière, faisant allusion au terrible brigand de la Cornouaille, Guy Herder la Fontenelle, dont le souvenir persistait à la pointe de Primel, occupé et fortifié par lui, évoquant Saint-Jean du Doigt et sa douce légende avec le jeune soldat, miraculeusement transporté jusqu'à la verte vallée de Traon-Mériadec et porteur à son insu du doigt du précurseur. Puis, il arrivait à quelque chose de plus cher, de plus précieux encore à tous ceux qui l'écoutaient. Tout cela, ce sont des souvenirs de ce pays même, ceux qui vous attachent à votre sol d'ici. Mais il en est un autre qui domine, qui appartient à toute notre Bretagne. Vous avez vu au-dessus d'une autre des portes de votre belle église, celle qui nous a fait grands parmi tous, la duchesse, la douce des douces, chère à nos cœurs aimants, cette reine Anne qui mieux que personne au monde a compris que vous êtes le peuple par excellence des marins, des héros de la mer et qui a fait construire au Dourduf la fameuse nef de 200 canons et de 1200 hommes, gloire de la marine française. C'est aux descendants de ceux qui combattirent et moururent sans peur sur la belle cordelière que je m'adresse enfin. Il me semble que je la vois là, au milieu de vous, cette reine aux humbles sabots de bois qui nous comprenait si bien. Était-ce hasard ou intention? Ses yeux en ce moment semblaient se fixer sur Anne Guisnou, dont la douce et lumineuse figure était éclairée par le soleil et se détachait au milieu de celle des autres femmes dont elle était entourée. Des cris enthousiastes, des questions, des larmes l'interrompirent. Il murmura en lui-même, touché de l'effet produit. Bon, si ce brave Lantoc avait pu m'entendre, il serait content de son élève. Ses leçons m'ont rudement profité. Je connais, paraît-il, le pays autant que les gars d'ici grâce à lui. On lui cria. Qui es-tu, toi, qui parles ainsi de ces choses que tu parais connaître encore mieux que nous? Il secoua la tête. À quoi bon un nom inutile? Que vous apprendrait-il? Je n'en ai pas. Je ne sais qu'une chose. Je suis breton comme vous. Un de vous. Cela, je puis le certifier. Et comme certains s'adressaient aux trois marins qui l'avaient accompagné, ceux-ci avouèrent leur ignorance. Son nom d'homme, nous ne le savons pas plus que lui. Celui qu'on lui donne, un fier hurrah de Bretagne, vous pouvez le croire. L'entendre, c'est tomber sur l'ennemi. Mais l'inconnu continuait. Je viens de la mer, dont je suis une pauvre épave flottante et obscure. Mais celui qui m'envoie, c'est un de chez vous, de votre pays même, le comte de Tromelin. Et je suis son lieutenant. C'est par son ordre que je suis ici. Le corsaire de Primel, Tromelin, Tromelin! Tous connaissaient en effet ce redoutable coureur des mers, dont le château se trouvait placé tout au fond de l'anse de Primel, au bas de la hauteur sur laquelle se dressait Plougasnou, au débouché de la vallée de la mer. Depuis des années déjà, on ne le voyait plus, parti qu'il était pour le Pacifique, la mer des Indes, où il faisait la course, poursuivant les navires de commerce et même les bâtiments de guerre anglais, et ne restant dans les ports que juste le temps d'y vendre ses prises. Sa dernière capture, le cutter anglais le Sylph, de 14 caronades de 12, lui avait paru si merveilleusement construit qu'il avait résolu de le garder et de s'en faire un auxiliaire, l'envoyant en France avec quelques hommes de son équipage sous le commandement de son lieutenant. Il chargeait en outre celui-ci de venir jeter l'ancre dans l'anse même de Primel en installant sa base d'opération au château de Tromelin, dont il lui donnait la jouissance, tandis que lui-même continuerait sa vie d'aventurier dans la mer des Indes. Le cutter était arrivé la nuit même, après avoir eu la chance d'échapper à une frégate anglaise croisant entre les Méloanes et les Triagoses. « Le canon que j'ai entendu !» constata joyeusement Guyader, qui ajouta. « Alors, la grande voile frôlant la roche, c'était bien le cutter ? Décidément, je suis content de n'avoir pas rêvé. J'ai tout de même encore bon œil et bonne ouïe. Réalité sur mer, ce canon, cette voile. Réalité sur terre, des sabots. D'un côté, le corsaire, de l'autre, ma petite âne. Me v'là content, tout va bien. » L'homme expliquait. « Alors, je suis venu faire appel aux gars de bonne volonté pour compléter mon équipage. » Mais quelques voix grommelèrent tenaces. « Ce n'est pas possible que tu n'aies pas de nom. Comment te désigne-t-on » Il riposta. « Les Anglais sont plus avancés que vous. Ils le savent, eux, comment me désigner. Je m'appelle Thor Hepen. » « Casse-lui la tête. Un surnom, alors, car c'est notre cri de guerre de Breton. Le seul qui convienne pour courir suce à l'ennemi. » À celui que nous avons écrasé à Saint-Caste. Souvenez-vous !» Les rangs de la foule flottaient. Cela semblait si mystérieux qu'on hésitait. Des groupes se consultaient. Soudain, ils s'ouvrirent. Une voix douce venait de prononcer avec fermeté. « Écoutez-le, il a raison. » Anne Guiznou, sous le porche, donnait son avis.